Bon, excellent. D'abord, j'ai juste besoin de votre nom et de votre site ensuite. François Marginan. Et vous m'avez demandé la deuxième question? C'est votre site un peu, votre fonction, vous êtes blogueur. Ouais, ben en fait, j'occupe différentes fonctions. J'ai une formation en architecture. Je suis aussi auteur sur Internet, sur différents sites et aussi animateur de radio sur l'émission De l'autre monde, Chaque FM, qui se trouve être la radio étudiante de l'Université du Québec à Montréal. Bon, excellent. Si je vous pose la question, j'ai juste besoin de votre opinion. Vous allez certainement y apporter des nuances, mais quand même. Si je vous demande, est-ce que le journalisme citoyen menace le journalisme professionnel, qu'est-ce que vous répondez à ça? Ben essentiellement, pour donner une réponse courte, je dirais non. C'est sûr qu'il y a beaucoup de nuances à faire, il y a beaucoup de facteurs à éclaircir là-dedans, mais je crois pas, non. Et pourquoi? Ben pour différentes raisons, c'est-à-dire qu'en réalité, je crois pas que ce soit réellement en tant que tel le journalisme citoyen qui est une menace au journalisme professionnel en ce moment, mais plutôt la structure même, si vous voulez, des médias traditionnels et puis aussi de la, si on veut, de la révolution, de la façon dont l'information circule dans la société avec la venue de l'Internet. Donc, c'est plutôt un changement de paradigme qui est en train de se passer puis qui est en train de changer, si vous voulez, le modèle là, de la circulation de l'information dans la société. C'est vraiment ça, je crois, qui est plutôt en train de se passer et puis qui semble menacer le journalisme professionnel, mais qui en réalité, je pense, qui est une mauvaise analyse de ce qui se passe en réalité. OK. Donc, vous avez décidé de devenir journaliste citoyen. Est-ce que c'était en réaction aux médias de masse avec ce qui véhiculait comme message? Ben, c'est, tu vois, c'est ça, c'est en deux volets. Je dirais que oui, en une certaine façon, on a une réaction par rapport à ça, parce qu'à un certain moment donné, on dirait que on a de la difficulté à trouver vraiment tous les facettes des histoires, t'sais, surtout des plus importantes informations qui circulent dans les médias. Mais je dirais que c'est aussi un autre côté, c'est cette révolution-là, comme je disais, c'est-à-dire que les gens ont le goût de prendre part aussi aux événements de l'actualité. Et puis, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que les gens ont le goût de faire de quoi, ont le goût d'écrire, ont le goût de discuter ensemble, de chercher. Et puis, à ce moment-là, la facette que l'Internet amène, c'est cette participation-là, c'est-à-dire que les gens ont possibilité d'y apporter leur grain de sel aussi. Donc, c'est un peu en deux volets, c'est-à-dire que oui, c'est par réaction à ce qui se passe dans les médias de masse, mais aussi par rapport au fait que c'est beaucoup plus participatif, les gens ont goût de faire de quoi. Donc, c'est un peu par rapport à ça, je dirais. Mais il y a une différence entre la façon que les journalistes citoyens et les journalistes professionnels travaillent. Mm-hmm. Moi, par exemple, à Radio-Canada, je dois suivre un code de déontologie. Mm-hmm. Si je dépasse, je me fais vraiment punir pour ça. Mm-hmm. Dans votre cas, vous, c'est différent. Et puis, la façon que c'est pratiqué est différente aussi. Des fois, c'est souvent plus dans la chronique aussi. Vous n'avez pas l'impression que ça pourrait brouiller les cartes aussi pour le public? Et finalement, de ne pas faire la distinction entre un journaliste citoyen et un journaliste professionnel? Ça dépend comment qu'on le voit. C'est parce que ce qui arrive, à mon avis, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de code de déontologie dans le journalisme citoyen. Mais je vais vous dire bien franchement, ça fait au moins une dizaine d'années que je passe au moins 25-30 heures là, dans ce domaine-là, autant sur les forums que sur les sites de nouvelles, les bloggers. Puis quand je parle de bloggers, je veux dire, je parle pas de des gens là, qui publient des photos de famille, là. Je parle de des gens qui analysent l'information. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un principe, c'est un peu comme des lois non écrites, il y a des principes d'auto-nettoyage, si on veut, dans l'Internet. Puis la personne qui rapporte pas la vérité ou qui est biaisée ou qui... peu importe, là, qui fait de la propagande carrément ou qui apporte de l'information qui est fausse, ils font pas long feu. Ils font pas long feu parce qu'il y a un genre de cœur, si vous voulez, là, sur Internet, on dirait, on les appelle le Truth Movement, là, si vous voulez, les gens qui cherchent la vérité. Puis à un moment donné, il y a des gens qui sont pas mal affûtés là-dedans. Là. Il y a pas mal un cœur, je dirais, de plusieurs milliers de personnes, c'est pas des millions de personnes, qui sont vraiment au courant de ce qui se passe. Puis ceux qui arrivent avec la propagande, la désinformation, ils font vraiment pas long feu sur Internet. Donc, on n'est peut-être pas tenu par un code officiel de déontologie, mais celui qui raconte n'importe quoi sur Internet, il est vite classifié comme étant une source peu crédible d'information. Donc, à un moment donné, si une personne est vraiment honnête, va faire un bon travail, elle n'a pas même un choix d'apporter la bonne information, parce que sinon, écoute, on est éliminé, on est poussé sur le bord du côté de la route, puis ça, c'est réglé. Après, un coup que ta réputation est faite, il n'y a plus de... n'y a plus de retour, là. On n'est pas protégé par rien, puis on n'a rien à gagner non plus. Fait qu'à ce moment-là, si en plus on perd la crédibilité, ben ça ne donne pas absolument rien de faire ce travail-là, à moins qu'on soit réellement payé par quelqu'un, une autre source, peu importe, là, pour déverser de la désinformation sur Internet. Donc, à ce moment-là, je dirais qu'on est un peu pris dans la même situation, puis c'est un peu ce que le journalisme professionnel fait face aussi, c'est-à-dire que y a des très, très bons journalistes. Il y a aussi des très bons journalistes qui sont pris dans un cadre de médias corporatifs qui sont soumis à des impératifs qui, finalement, bien souvent leur empêchent de dire ce qu'ils pensent vraiment, ce qu'ils voudraient passer comme information. Puis il y a aussi des mauvais journalistes, un peu comme sur Internet. Puis à ce moment-là, on est pris avec le même problème, c'est que si on perd notre crédibilité, c'est bien difficile de la rattraper. Ça prend des années à se bâtir une bonne réputation, une bonne crédibilité, puis si on, à un moment donné on joue avec le feu, on rapporte pas la bonne information ou trop biaisé, ben les gens ils se détournent de toi. Donc que ce soit des médias traditionnels ou des médias alternatifs, la situation est pareille à quelque part. Donc je dirais que j'oserais peut-être même dire que je pense que c'est pire même sur Internet, parce qu'un journaliste peut être protégé d'une certaine façon dans sa compagnie, toujours recevoir son salaire, mais sur Internet, tu te fais ta crédibilité, c'est pas long, tu te fais planter, c'est sérieux, là. Donc, il n'y a pas réellement intérêt, si vous voulez, là, à raconter n'importe quoi. Il y en a qui le font parce qu'ils ont des intérêts, ils ont des agendas, mais je veux dire, ils sont vite identifiés. C'est ça que je devrais répondre à votre question, là. OK. Et en terminant rapidement, est-ce que vous vous considérez comme un journaliste? Ben non, je dirais non, parce qu'en réalité, c'est quoi le journaliste? Ben, je veux dire, certaines personnes me diraient, vont me dire que oh, tu fais un meilleur travail qu'un journaliste, mais je veux dire, non, j'ai pas de formation en journalisme, donc je n'irai pas m'appeler sur la place publique un journaliste. Mais ce que je fais, et puis ce qu'on fait sur Internet, c'est bien souvent analyser les nouvelles, les événements qui se passent dans l'actualité mondiale. Et puis, ce qu'on en fait, c'est en faire une analyse plus approfondie. Et puis, en discutant avec les gens, bien souvent, on arrive à vraiment cerner les contours de ce qui se passe. Donc, c'est plutôt un travail d'analyste, je dirais. Connecter les points, analyser l'information, essayer d'en tirer des conclusions. Donc, c'est plus à ce niveau-là, je dirais, qu'on travaille. Donc, en quelque part, moi, je trouve ça même un peu triste que, je dirais, les journalistes professionnels se sentent menacés par nous parce que, dans le fond, on aurait tout intérêt à travailler ensemble. Parce que dans le fond, c'est ça qu'on fait, on travaille ensemble. Oui, on vous suit sur les vagues, tu sais, je veux dire, moi, écoute, je commence dans le métier quand même, ça fait peut-être un an ou deux que je fais ça. On nous demande de vous suivre sur les blogs, quand même, non. Moi, en fait, je pars pas avec un préjugé, je fais seulement poser des questions. Oui, non, je suis d'accord avec ça. Puis je réponds très objectivement aussi. Puis Honnêtement, c'est super intéressant votre propos, il se distingue de plusieurs, puis non, je suis bien content. Ben, je suis bien content d'avoir répondu à vos questions aussi. J'ai suivi, j'allais voir votre profil, c'est ça, j'ai vu que vous avez un profil bien intéressant aussi, en ayant été ben, avec Radio-Canada, mais autant au Québec là, que dans l'Ouest. Donc, non, c'est un parcours intéressant. Puis je crois que vous avez aussi travaillé quand même un peu là, en frontière des médias alternatifs aussi, là, Oui, c'est Yesen, puis hein? C'est ça, c'est ça. Non, je pense qu'à un moment donné, c'est que c'est un changement de paradigme qui est en train de se passer. C'est une genre de révolution de la façon dont l'information circule réellement. Puis le problème avec, je dirais, les journalistes professionnels, c'est une résistance qu'ils ont au changement. Parce que c'est sûr, c'est une machine plus lourde, plus rigide. Mais je dirais, il y a tout avantage à être flexible. Puis essayer de finalement se former ensemble, c'est-à-dire de former une équipe ensemble, parce que c'est sûr que, je veux dire, en tant que journaliste, comme vous l'êtes, là, je veux dire, vous devez reconnaître aussi que les médias de masse sont un peu pognés, là, dans ces impératifs financiers, corporatifs, puis il y a une certaine lourdeur qui fait en sorte que, je sais, il y a bien des journalistes qui sont frustrés, là, tu sais, qui voudraient parler bien plus, puis faire du travail d'enquête approfondie, puis. Hey, c'est un peu poigné maintenant dans un opératif de la minute, c'est-à-dire la nouvelle en 10 secondes, puis on sort au prochain scoop, on passe en météo. Puis, donc, il y a de quoi à faire. Il y a de quoi qui est en train de se passer, puis moi, je veux pas tomber dans cette guerre-là de hey, les médias alternatifs contre les médias. Non. Dans le fond, l'humain en tant que tel, celui qui est vraiment concerné par ce qui se passe, il veut savoir ce qui se passe, il veut savoir la vérité. Puis le journaliste, il veut y livrer, c'est ça la passion. J'ai peut-être pas le titre de journaliste, mais j'ai cette passion-là. C'est-à-dire, je veux savoir ce qui se passe, puis je veux que les gens soient informés. T'sais. Donc, c'est. Ouais. OK. Ben, c'est retenu. Ben, c'est excellent. S'il y a quelque chose d'autre, anyway, n'hésitez pas à contacter, là, à me contacter, n'importe quand, là, ça me fait bien plaisir. Excellent, mais c'est très gentil pour m'avoir accordé du temps, surtout de m'avoir appelé. Ben, il n'y a pas de problème, M. Dion. Ok, merci. Au revoir.